Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire Henri Morgenthaler. Nous voulons que chaque femme ait le droit de se faire avorter dans les 3 premiers mois de grossesse sans donner aucune raison. Nous voulons établir le principe que la femme elle-même doit décider si elle veut d'une grossesse ou non. 12 petites secondes qui pourraient résumer à elles seules le combat de toute une vie. Le docteur Henri Morgenthaler, en 1967, au moment où il présente un mémoire sur le droit à l'avortement au Parlement fédéral. 1967, c'est le début du combat d'Henri Morgenthaler pour la défense du droit à l'avortement. Un an plus tard, Henri Morgenthaler va passer de la parole aux actes en pratiquant un premier avortement. En 1973, il va déclarer publiquement avoir pratiqué plus de 5000 avortements. Le combat d'Henri Morgenthaler le mènera devant les tribunaux à de multiples reprises, en plus de le conduire en prison. Il va finir par remporter une victoire décisive, quand la Cour suprême du Canada décidera de décriminaliser l'avortement en 1988. Héros pour les uns, meurtrier pour les autres, Henri Morgenthaler est l'une des figures importantes de notre histoire au 20e siècle. An unwanted pregnancy as an accidental pregnancy, and we believe that the medical profession. Nous considérons qu'une grossesse involontaire est une grossesse accidentelle et que les médecins devraient pouvoir aider les femmes qui le demandent à obtenir un avortement sécuritaire plutôt qu'à devoir recourir à un avortement illégal qui peut mettre leur vie en danger. And they'll face the risk of death and injury in the process. Et que faire dans le cas où le père veut que la grossesse soit menée à terme? Dans la plupart des cas, les couples s'entendent. Quand ce n'est pas le cas, nous estimons que la décision revient à la mère. Vous avez parlé de grossesse accidentelle. Que vouliez-vous dire? La sexualité fait partie de la vie et toute femme peut se retrouver enceinte par accident, même si elle a usé de moyens contraceptifs. Lorsque ça arrive, cette femme devrait pouvoir interrompre sa grossesse sans que l'État ni personne ne la force à la poursuivre. Henri Morgenthaler, à nouveau, en 1967, en entrevue au réseau anglais de Radio-Canada, pour faire le portrait d'Henri Morgenthaler, la journaliste, auteure, réalisatrice et féministe Francine Pelletier. Francine, bonjour. Bonjour. Ce qui m'a frappé, moi, en écoutant cet extrait, c'est qui date de 67, c'est la clarté de la vision d'Henri Morgenthaler, c'est la profondeur de son engagement aussi quand il défend le droit à l'avortement. Pour lui, il n'y a aucune ambiguïté possible, c'est très, très clair, c'est un droit fondamental. Et c'est d'autant plus étonnant qu'on est à un moment où le mouvement féministe lui-même ne s'est pas mis en branle sur la question. Là. C'est bien avant, c'est quelques années avant que le mouvement s'articuler vraiment beaucoup autour de la question de l'avortement libre et gratuit. Mais il faut se souvenir aussi que c'est les années 60. C'est encore assez sombre, les années 60. Mmh. C'est encore le temps des broches à tricoter. Là. Il n'y a aucun avortement qui est... non seulement c'est illégal, il n'y a pas de comité encore thérapeutique. Il n'y a pas moyen d'avoir un avortement sans passer par des charlatans ou des moyens du bord. Là. Oui. Donc, il y avait énormément de femmes qui, certaines mouraient, et beaucoup d'entre elles se retrouvaient à l'hôpital à cause d'avortements mal faits. Donc, c'est une position qui, vraiment, à ce moment-là, avec, encore une fois, cette clarté, pour lui, c'est une évidence, c'est vraiment quelque chose, à ce moment-là, qui tonne dans le ciel comme un coup de tonnerre. Là. On n'est pas habitué à ce genre de réaction. Non. De position. Absolument. Ouais. Et quand on connaît un peu l'histoire d'Henri Morgenthaler, on sait qu'il cherchait sa cause. Et c'est absolument à ce moment-là qu'il va la trouver. Puis de fait, pour bien comprendre pourquoi il s'investit autant dans cette cause-là, il faut savoir d'où il vient. C'est intéressant de revenir à ses origines. Parlez-nous, justement, Francine Pelletier, du parcours, des origines et du parcours du jeune Henri Morgenthaler. Ben, on ne peut pas comprendre Henri Morgenthaler sans comprendre d'où il vient. Puis, en fait, d'où il vient, c'est non seulement la Pologne, mais c'est les camps de concentration. Ouais. Ben, d'abord, son père a été torturé et tué dans un camp de détention. C'est le premier qui a été tué. Ensuite, lui, sa mère et son frère ont été ramassés vers la fin de la guerre. Ils ont été forcés de travailler pour les nazis dans le ghetto de Lodz, en Pologne. C'est la deuxième ville de Pologne à ce moment-là. Sa sœur aînée, elle, a été ramassée et amenée à Treblinka, où elle va mourir. Et sa mère, son jeune frère et lui arrivent en 44. C'est la dernière année de la guerre. Il est assez jeune, il a 21 ans. Pour être envoyé à un camp à Dachau, où on pouvait s'en sortir parce que c'était vraiment des camps de travaux forcés. Il était relativement jeune. Il est sorti de là. Il pesait 70 livres. Il avait perdu toutes ses dents, mais il était en vie, ainsi que son frère. Et tout le reste de la famille était mort. Bref, il a eu la chance à ce moment-là. On a offert aux survivants de camps, aux jeunes survivants, de faire des études en médecine. Il est sorti des camps, d'ailleurs, totalement athée. Son père, de toute façon, était un socialiste très impliqué dans la communauté juive polonaise. Mais je pense, un humaniste qui cherchait... Oui. Comment il était pour faire du sens de sa vie. Et d'ailleurs, il va parler, dans son engagement dans ce droit à l'avortement, il va parler de l'expérience des camps. Il va dire, entre autres, je n'ai pas pu sauver ma mère. Ce sera ma manière de, entre guillemets, de sauver d'autres femmes. Comprendre le rapport de Henri Morgenthaler à sa mère, c'est comprendre beaucoup de choses par rapport à lui. D'abord, comme vous dites, il a dit, j'ai pas pu sauver ma mère, donc si je peux sauver d'autres femmes pour qu'elles aient des enfants désirés. Ouais. Pour lui, c'était crucial. Des enfants qu'elles vont aimer. Il avait toujours souffert de ne pas, selon lui, avoir reçu tout l'amour maternel qu'il aurait voulu. Donc, avoir des enfants désirés, ils ne grandiront pas, ces femmes-là, pour bâtir des camps de concentration. Donc, c'était vraiment une réponse à sa vie personnelle. Ces enfants-là sont aimés et ne construiront pas des camps de concentration. C'était sa façon de retrouver sa mère ou retrouver l'amour maternel à travers... C'est un homme qui va avoir, à travers sa vie, beaucoup de relations avec les femmes. À cause de sa relation avec sa mère. Mais surtout, c'est ça qui va motiver son combat pour l'avortement. Alors, ça commence en 67, ce fameux combat. Avant de revenir à Ottawa, ce qu'on entendait au tout début de l'émission, un petit mot sur comment il va la trouver, cette fameuse cause. Il va s'associer, il va chercher, là. Comment il se retrouve dans ce combat? D'ailleurs, il va essayer toutes sortes de choses. Au début, il voulait imiter Louis Pasteur. Il aurait voulu faire de la recherche. Mais finalement, il trouvait ça trop solitaire. Donc, il fait de la médecine familiale. Il s'installe dans l'est de Montréal. Après avoir eu son diplôme de l'Université de Montréal comme médecin, il s'installe dans l'Est de Montréal, devient un petit médecin de famille. C'est tout ce qu'il y a de plus normal. La petite famille, il y a deux enfants, il a marié son amoureuse qu'il connaissait à Lodz, d'ailleurs. Ils ont deux enfants et il devient, et ça c'est vraiment capital dans sa vie, il s'associe à quelque chose qui s'appelle l'Association humaniste du Canada, qui d'ailleurs avait des mentors comme Bertrand Russell et d'autres. Et on va l'envoyer, lui, à Ottawa devant une commission parlementaire en 1967 parce qu'il est parfaitement bilingue, parfaitement intégré ici. À Montréal, pour faire une présentation de la position de l'association humaniste sur l'avortement. Et c'est 1967, c'est ce qu'on entendait. Ouais. Et c'est là que, après ça, les femmes, quand ils ont entendu son témoignage, les femmes défoncent sa porte à Montréal, là, sur la rue Honoré-Beaugrand. Ouais. On le supplie de faire des avortements. Il dit, mais non, je peux pas. On va l'écouter, justement, parce qu'il raconte très bien cette transition. Qu'est-ce qui fait qu'il passe de la défense du principe, ce qu'il fait en 67 en comité parlementaire à Ottawa, à l'action, à son premier avortement, comment il fait le passage. On l'écoute en parler à Robert Gisculli en 1990. À un moment, j'ai décidé de faire la désobéissance civile à la loi canadienne sur l'avortement qui me paraissait cruelle et injuste et qui exposait des femmes canadiennes à des dangers de mort, de lésions graves, d'infertilité et puis d'humiliation grave. Lorsqu'elle cherchait un avortement. J'étais devenu un des leaders du mouvement humaniste. Nous avions présenté un mémoire à la Chambre des communes qui se penchait sur la question de l'avortement. C'est moi-même qui avais préparé ce mémoire, je l'avais écrit. Je l'avais présenté devant la Chambre des communes et suite à cela, les femmes commençaient à venir me trouver à mon bureau à Montréal me disant, « Docteur, je suis enceinte, je ne peux pas continuer cette grossesse, est-ce que vous pouvez m'aider ?» Et moi, je disais, je regrette, je sais que vous savez mes opinions là-dessus, je suis d'accord que vous devriez avoir le droit à l'avortement médical, mais la loi telle qu'elle est, si je vous aide, je pourrais aller en prison en perpétuité, j'ai une femme et deux enfants, je ne peux pas vous aider. Et finalement, au bout de quelques mois, je me suis aperçu que ces femmes-là ne pouvaient pas attendre à ce que la loi change, parce que ça prend des longues années parfois, elles avaient besoin de, d'avoir un traitement immédiatement. Et finalement, un jour, je me suis décidé que c'était mon devoir en tant que médecin, en tant qu'humaniste, en tant qu'être humain, d'offrir de l'aide médicale à ces femmes-là. Alors, on le voit, c'est frappant, encore une fois, profondeur d'engagement, une question d'humanisme pour lui. Très concrètement, Francine Pelletier, ça va se passer comment, quand, dans quelles circonstances il va pratiquer un premier avortement? Ben, c'est ça. Il fallait qu'il y ait une première fois. Et c'est, il accepte peu de temps après, je crois qu'on est en 68, il accepte d'avorter la fille d'un de ses amis. Mm-hmm. Donc, ça passe vraiment par un rapport personnel. Ouais. Parce qu'à venir jusqu'à ce moment-là, c'est un bon citoyen. Il veut pas... Il croit dans le processus démocratique, il croit dans le respect des lois, etc. Il veut aider ses femmes, mais il ne sait pas comment. De toute façon, il n'a jamais pratiqué d'avortement lui non plus. Hein. Mais il le fait une première fois et après ça, c'est sa conscience qui lui parle. Ouais. « There is no going back », comme disent les Anglais. Et il décide, il arrête de faire de la médecine familiale et il fait des avortements illégaux à plein temps. Et d'ailleurs, c'est lui qui va perfectionner la méthode de succion pour ce faire. Mm-hmm. C'était une méthode efficace, pas compliquée et qui ne laissait pas de séquelles. Ouais. Évidemment, il s'expose, il va se retrouver en prison parce que c'est ça, c'est illégal, il s'expose à la prison. C'est illégal et on n'est même pas dans les années 70. Là. C'est encore un peu la grande noirceur. Ici, faut dire qu'en 69, l'année où il décide qu'il plonge, illégalement, mais qu'il plonge, c'est l'année où Pierre Elliott Trudeau, nouvellement élu comme premier ministre canadien, change la loi parce que là, on passe des broches à tricoter à quelque chose d'un peu mieux, c'est-à-dire les fameux comités thérapeutiques. Ouais. Alors, maintenant, il est possible pour une femme d'obtenir un avortement, mais selon des conditions extrêmement compliquées, c'est-à-dire il faut que ça soit dans un hôpital, il faut qu'il y ait un comité thérapeutique dans l'hôpital composé de 3 médecins qui décident de leur haut savoir que cette femme-là a le droit d'obtenir un avortement parce que sa santé, dans un sens large, ou sa vie est en danger. Et ça, c'est fondamental. On n'est vraiment pas dans le libre choix. D'abord, c'est supervisé. Il faut que la vie de la mère, ou de l'enfant peut-être, je ne me souviens plus, mais la vie de la mère essentiellement, soit menacée. Oui. Donc, première ouverture quand même en 69. Morgan Thaler, lui, donc, continue d'agir dans l'illégalité, se met à faire des avortements en série. Il va se retrouver évidemment devant les tribunaux, arrêté en 70, procès en 73, c'est le début d'une longue saga, mais procès en 73, acquitté. Premier acquittement de Roy Morgan Thaler par un jury, ça va marquer une étape très très importante dans son combat pour la reconnaissance du droit à l'avortement. On écoute l'avocat Claude Armand Shepard commenter justement l'acquittement de son client en novembre 73. Un médecin qui a eu le courage de poser des actes qui semblaient contraire à la loi, mais qui était justifié par des principes humanitaires, a été acquitté par un jury de gens ordinaires, de gens de notre milieu, pour le motif que c'était médicalement justifié de faire ce qu'il avait fait. Et j'interprète cette décision comme déchirant en une fois ce voile d'hypocrisie qui entourait la loi d'avortement, et ouvrant en somme, de par la voix du peuple, non pas la voix des spécialistes ou des minorités agissantes, mais la voix de 12 citoyens ordinaires, un regard finalement franc et réaliste sur la question. Et je dois dire que de tout ce que j'ai fait dans ma carrière, je n'ai jamais eu une cause dont la portée sociale m'a semblé aussi grande, parce que je pense à ces centaines de milliers de femmes qui auparavant étaient exposées à l'hypocrisie de notre loi, à l'inhumanité de certaines personnes, à une situation véritablement abjecte. Et c'est elles qui ont triomphé. Et il fera face de nombreuses autres fois à la justice Henry Morgan Thaler, mais cet acquittement de 1973 par un jury, Francine Pelletier, C'est très important. Ben, c'est très important. Et d'ailleurs, chaque fois qu'il va se trouver devant un jury, il va être acquitté. Ouais. Il n'y a personne au Canada qui trouvait que cet homme-là n'avait pas un peu raison de dire que les femmes avaient le droit fondamental de contrôler leur propre corps. Même à Toronto, il va être accusé à Toronto parce qu'avec les années, malgré les emprisonnements, donc au Québec, il est emprisonné finalement en 1974. Il est condamné. Parce que la cour d'appel, en fait, va renverser l'acquittement par jury de 1973. Le jury ne veut pas l'emprisonner, mais la cour d'appel, oui. C'est pour vous dire à quel point on tenait à maintenir l'avortement illégal. Donc, il fera de la prison à ce moment-là. Il va faire de la prison. Il fait une crise cardiaque à ce moment-là. Donc, il va sortir plus tôt de prison, encore une fois, amaigri, etc. Cet homme l'a payé cher. Hein? Ouais. Et là, malgré tout ça, il continue. Il va ouvrir des cliniques au Manitoba, à Toronto. À Toronto, c'est le même scénario qui se répète. On l'arrête, on l'accuse, il est acquitté, on va le traîner encore une fois en appel, et c'est là où, éventuellement où il va se retrouver devant la Cour suprême. Mais le procureur de la Couronne à Toronto, qui l'a poursuivi, disait « Je suis pour Morgan Taylor, je suis pour son combat. Tout le monde autour de moi me demande si je suis tombé sur la tête, mais la seule façon qu'on va changer la loi, c'est les traîner devant les tribunaux. » Donc, tout le monde était un peu, pas tout le monde, mais Morgan Taylor, le premier, savait que c'était la façon de changer la loi. Ça devient une stratégie pour lui. Il se dit « Je vais faire des avortements parce que ce sera trop long avant que la loi change. » On l'entendait le dire il y a quelques minutes. Et en attendant, je serai poursuivi. Et en fait, j'aurai raison au bout du compte devant les tribunaux en défiant la loi. Ça devient une stratégie. C'est tout à fait une stratégie qui finalement va être payante. Mais combien d'années? Ça va être presque 20 ans plus tard. Donc en janvier 1988, après 20 ans de combat, la Cour suprême, la fameuse... va décriminaliser l'avortement. Mais évidemment, ça ne se fera pas si simplement parce qu'en cours de route, il y aura d'autres procès. Puis il y aura, on n'en a pas encore parlé, mais il faut en parler, il y aura la réalité terrain, je dirais. Moi, ça coïncide à peu près au début de cette période-là de ma carrière et je me souviens à quel point c'était tendu. Les gens étaient... Et donc, pour Morgan Taylor, partout où il passe, c'est le même scénario, des manifestants qui l'attendent pour revivre un petit peu ce climat-là. Un extrait de reportage de Louis Lemieux en 1985, quand il se rend en Alberta, justement, pour ouvrir des cliniques d'avortement. L'arrivée à Calgary a été pour le moins remarquée. Mais en fait, les gardes de sécurité ont eu plus peur que le docteur Morgenthaler. Are you all right, sir? I'm perfectly all right, yes. Ce matin, fort de leur coup d'éclat de la veille, les manifestants pro-vie étaient nombreux, mais l'affrontement a été de bien courte durée. Un incident où quelqu'un est farouchement opposé à l'avortement et qui m'arrose d'un peu de ketchup, enfin, c'est pas grave. Malgré tous les à-côtés de sa visite, le docteur Morgan Taylor est venu en Alberta d'abord et avant tout pour prélever des fonds. Et c'est bien ce qu'il compte faire toute l'année, un peu partout au pays. L'argent recueilli servira d'abord à payer les avocats, et s'il en reste, Henry Morgan Taylor ouvrira d'autres cliniques au Canada. Ce sera très, très dur. C'est un petit extrait qu'on vient d'entendre, Francine Pelletier, de ce qui attend Morgan Taylor partout où il passe. Mais il ne fera pas que recevoir du ketchup. Ça, c'est la raison, c'est pas très grave. C'est beaucoup plus sérieux que ça. Cet homme-là va vraiment subir des menaces, parfois des menaces de mort. Il reçoit des menaces constamment, des menaces de mort. Sa clinique à Toronto va être incendiée. Il va avoir une bombe qui va mettre le feu à la clinique. Il a été agressé physiquement, bousculé je ne sais pas combien de fois. Et sans doute, encore une fois, je pense que le fait d'avoir vécu ce qu'il a vécu dans les camps de concentration et en Pologne, ça doit relativiser les choses. Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'autres médecins qui auraient pu vivre ça avec la même sérénité, si je peux dire. Puis une détermination. On n'a pas le temps de tout passer les extraits que je peux entendre en préparant cette émission. Une infirmière qui a travaillé avec lui qui disait « c'est une tête dure, c'est quelqu'un de déterminé et c'est pour ça qu'il a réussi à mener ce combat-là malgré toutes ces agressions, toutes ces menaces. » La Cour suprême, on en parlait, jugement important, décriminalisation de l'avortement en 88. Le plus grand jour de sa vie, dira-t-il, le 28 janvier 1988, la Cour suprême, donc, juge que la loi canadienne sur l'avortement est inconstitutionnelle parce qu'elle contrevient à l'article qui garantit la vie, la liberté, la sécurité de la personne. Donc, toutes les femmes du pays ont droit à cette même sécurité, liberté, etc. Donc, il considère que les comités thérapeutiques, toutes thérapeutiques qu'ils peuvent être, sont justement que c'est désormais illégal de procéder de cette façon-là. Bon, ça ne rend pas l'avortement légal. Souvent, on pense que Morgan Taylor a légalisé l'avortement par son combat. Il n'a pas légalisé. C'est pas ça qui est arrivé. En fait, peu de temps après, c'est Brian Mulroney qui est au pouvoir. Il passe, il tente de passer une nouvelle loi qui, encore une fois, va criminaliser des médecins après un certain temps, dépasser un certain temps si les avortements sont faits trop tard, mais qui ne passera pas le Sénat. Donc, ça tombe à l'eau et personne ne va vouloir toucher à la question de l'avortement. Mais contrairement aux États-Unis, où la fameuse loi de la Cour suprême, ou en fait, le jugement de la Cour suprême en 73, Roe versus Wade, à toute fin pratique, a légalisé l'avortement jusqu'à 20 semaines, je crois. Ici, c'est pas ça. Là. Ça tombe dans les limbes. Ça veut dire que l'avortement, à partir de 88, devient de juridiction provinciale et médicale. Donc, c'est aux provinces et à de voir comment gérer ça à travers les différentes cliniques et les hôpitaux. Il va mourir en 2013, Henry Morgan Thaler. C'est probablement le moment de parler d'abord de la réaction à sa mort, mais aussi en 2008, quand il va recevoir l'Ordre du Canada. C'est deux événements, l'Ordre du Canada en 2008 et sa mort, qui montrent, Francine Pelletier, à quel point cet homme-là a divisé. Personne n'est indifférent à Henry Morgan Thaler. Et je le disais au début, pour certains, c'est un héros. Pour d'autres, c'est un meurtrier. L'Université de Western en Ontario a voulu lui donner un titre honorifique. Et un des donateurs de l'université a retiré 2 millions de dollars en protestation. Chaque fois quelqu'un voulait lui rendre hommage, il y avait quelqu'un pour dire « il n'y en est pas question ». Et combien de fois a-t-on essayé de lui donner l'Ordre du Canada? Parce qu'on ne peut pas donner ça après la mort de quelqu'un, il faut que ce soit de son vivant. On voyait que l'homme, de plus en plus, avec les années 2000, bon, il a toujours eu des problèmes de dépression toute sa vie, mais aussi des problèmes cardiaques toute sa vie. On voulait lui donner l'Ordre du Canada. Il y a eu combien de protestations? Ça a finalement pris Michael Jean et beaucoup de pression pour qu'en 2008, on lui accorde, mais pas sans que l'archevêque de Montréal, l'archevêque Turcotte, décide, lui, de remettre son prix, son Ordre du Canada. Francine Pelletier, journaliste, auteure, réalisatrice et chroniqueuse au Journal Le Devoir. Merci, Francine. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.